Ceux qui traitaient Shuaïb de menteur disparurent, comme s'il n'y avait jamais vécu. Ceux qui traitaient Shuaïb de menteur furent, eux, les perdants.